La mort ou tu t'es. Y'a ceci grosse que ton gros qu'a vu. Y'a ceci grosse que ton gros qu'a vu. Y'a ceci grosse que ton gros qu'a vu. Hey. Y'a ceci grosse que ton gros qu'a vu. Et mon goro toujours au garde à vue. On t'enlève la vie, on t'enlève la vie. Comme tes putains de lacets en garde à vue. Et poto, j'peux pas m'arrêter de compter. Que des solias, solias dans la poche. Que des losa, losa dans le porche. Et si tu veux pas qu'un, tu prends la porte. Euro, dollar, poto, peu importe. On s'en bat les couilles tant que ça rapporte. J'ai une fille maintenant, j'dois nourrir mes proches. Et j'dois continuer de faire baiser mes potes. Dans la street, j'ai eu tous mes concours. On vole en escroc, on me rend concours. Et si tu baises, malin, t'fais coucou. J'ai le canon sur ta gueule, il t'fait coucou. Je suis trop monté, je peux pas redescendre. De terre de janvier à décembre. Et ma 403 tu pour décembre. On retrouve ton corps dans une descente. Tous mes renois sont déterminés. On fait pas semblant, tu l'as deviné. Attaque 7 ou 9 mm. Si tu commences la guerre, faut la terminer. Que des Yankees non mecs, mon ami. Je vais reprendre le contrôle de ta ville. Rendu toi, je demande pas ton avis. Personne pourra faire couler mon navire. Y'a ceci grosse que ton gros qu'a vu. Y'a ceci grosse que ton gros qu'a vu. Y'a ceci grosse que ton gros qu'a vu. Hey. Y'a ceci grosse que ton gros qu'a vu. Y'a ceci grosse que ton gros qu'a vu. Y'a ceci grosse que ton gros qu'a vu. Hey. Hey. C'est léger. Et Kaïf. C'est léger. Et dans l'album. Hey. C'est léger. J'ai la bague au doigt, j'ai la bague sur les côtes. J'ai gay, j'suis déter depuis l'époque. J'ai gay, j'suis déter depuis l'époque où Biggie se faisait rentrer des kills dans le bloc. J'ai des mecs que j'peux payer pour enlever ta vie. C'est les méchants, pas le maire qui contrôle la ville. Poto, si t'aimes pas, bah tu niques ta mère. Façon, j't'ai pas demandé ton avis. J'suis dans un poli de noir, y'a que mon cœur qui est blanc. Si demain ça marche pas, t'inquiète pas que j'ai mes plans. C'est l'oseille ou le pont, oui, Pablo nous l'a dit. Y'a pas de place pour les faibles, donc rien ne sert d'être un bon. Ils veulent nous empêcher de porter le voile. Mais personne peut m'empêcher de porter mes couilles. 762 sur la line du game, tu vas fermer ta gueule, tu vas sucer tout court. J'suis dans un bolide blanc avec les chantes chromées. Et l'album, il arrive tout gain, j'te promets. Si tu me veux paye de suite, on se barre même en assis. Je le connais pas la suite. Il lui qui se barre de la vie de poteau, on vend de la verte, on est pas que dans la sick. J'en ai aidé beaucoup qui font les amnésiques. On n'oublie pas, boy, on n'oublie pas, boy. Engueulé, engueulé. On n'oublie pas, boy, on n'oublie pas, boy. C'est bientôt l'album, le 29 novembre. C'est bientôt l'album, le 29 novembre. Va l'acheter, wesh. J'suis dans la high, boy, j'suis dans la high, boy. Je 29 novembre, enculé. Bientôt l'album. C'est la précommande. Précommande, enculé. Précommande. Donne la force, wesh. Ouais.